Chapitre 53e, la soirée du 5 au 6 octobre. Charny et Gilbert se précipitent par les degrés. « Au nom du roi !» crie l'un. « Au nom de la reine !» crie l'autre. Et tous deux ajoutent « Ouvrez les portes !» Mais cet ordre n'est pas si vite exécuté que le président de l'Assemblée nationale n'était renversé dans la cour et foulé aux pieds. À côté de lui, deux des femmes de la députation ont été blessées. Gilbert et Charny se précipitent. Ces deux hommes, partis l'un du haut de la société, l'autre d'en bas, se sont rencontrés dans le même milieu. L'un veut sauver la reine par amour pour la reine, l'autre veut sauver le roi par amour de la royauté. Les grilles ouvertes, les femmes se sont précipitées dans la cour. Elles se sont jetées dans les rangs des gardes, dans ceux des soldats du régiment de Flandre. Elles menacent, elles prient, elles caressent. Le moyen de résister à des femmes qui implorent des hommes au nom de leur mère et de leur sœur. « Place, messieurs, place à la députation !» crie Gilbert. Et tous les rangs s'ouvrent pour laisser passer Mounier et les malheureuses femmes qu'il va présenter au roi. Le roi, prévenu par Charny, qui a pris les devants, attend la députation dans la chambre voisine de la chapelle. C'est Mounier qui parlera au nom de l'assemblée. C'est Madeleine Chambry, cette bouquetière qui a battu le rappel, qui parlera au nom des femmes. Mounier dit quelques mots au roi et lui présente la jeune bouquetière. Celle-ci fait un pas en avant, veut parler, mais ne peut prononcer que ces mots « Sire, du pain !» Et elle tombe, évanouie. « Au secours ! Crie le roi, au secours !» André s'élance et présente son flacon au roi. « Ah, madame !» dit Charny à la reine, avec le ton du reproche. La reine pâlit et se retire dans son appartement. « Préparez les équipages !» dit-elle. « Le roi et moi, nous partons pour Rambouillet. » Pendant ce temps, la pauvre enfant revenait à elle. En se voyant entre les bras du roi qui lui faisait respirer des sels, elle poussa un cri de honte et voulut lui baiser la main. Mais le roi l'arrêta. « Ma belle enfant, lui dit-il, laissez-moi vous embrasser, vous en valez bien la peine. Oh, sire, sire, puisque vous êtes si bon, dit la jeune fille, donnez donc l'ordre. »« Quel ordre ? Demanda le roi. « L'ordre de faire venir les blés, afin que la famine cesse. »« Mon enfant, dit le roi. « Je veux bien signer l'ordre que vous demandez, mais en vérité, j'ai bien peur qu'il ne vous serve pas à grand-chose. » Le roi se mit à une table et commença à écrire, lorsque soudain un coup de feu isolé se fait entendre, suivi d'une fusillade assez vive. « Mon Dieu, mon Dieu !» s'écria le roi. « Qu'y a-t-il encore ? Voyez cela, monsieur Gilbert. » Une seconde charge a eu lieu sur un autre groupe de femmes, et c'est cette charge qui a amené le coup de fusil isolé et la fusillade. Le coup de fusil isolé a été tiré par un homme du peuple et a cassé le bras à M. de Savonnières, lieutenant des gardes, au moment où ce bras est élevé pour frapper un jeune soldat réfugié contre une baraque qui, les deux bras étendus et désarmés, protégeait une femme à genoux derrière lui. À ce coup de fusil ont répondu, de la part des gardes, 5 ou 6 coups de carabine. 2 ballons portés, une femme est tombée morte. On en emporte une autre, grièvement blessée. Le peuple riposte, et à leur tour, 2 gardes du corps tombent de leurs chevaux. Au même instant, les cris de « Place, place !» se font entendre. Ce sont les hommes du faubourg Saint-Antoine qui arrivent, traînant 3 pièces de canon qu'ils mettent en batterie en face de la grille. Heureusement, la pluie tombe par torrent, la mèche est inutilement approchée de la lumière, la poudre détrempée par l'eau refuse de prendre. En ce moment, une voix glisse tout bas ses paroles à l'oreille de Gilbert. Monsieur de Lafayette arrive et n'est plus qu'à une demi-lieue d'ici. Gilbert cherche en vain qui lui a donné la vie, mais de quelque part qu'il vienne, la vie est bon. Il regarde autour de lui, voit un cheval sans maître, c'est celui de l'un des 2 gardes qui vient d'être tué. Il saute dessus et part au galop dans la direction de Paris. Le second cheval sans cavalier veut le suivre, mais à peine a-t-il fait 20 pas sur la place qu'il est arrêté par la bride. Gilbert croit qu'on devine son intention et qu'on veut le poursuivre. Il jette un regard derrière lui tout en s'éloignant. On ne pense point à cela, on a faim. On pense à manger et l'on égorge le cheval à coups de couteau. Le cheval tombe et en un instant est dépecé en 20 morceaux. Pendant ce temps, comme à Gilbert, on est venu dire au roi « Monsieur de Lafayette arrive ». Il venait de signer à Mounier l'acceptation des droits de l'homme. Il venait de signer à Madeleine Chambry l'ordre de laisser venir les grains. Muni de ce décret et de cet ordre qui, pensait-on, devait calmer tous les esprits, Maillard, Madeleine Chambry et 1 millier de femmes reprirent le chemin de Paris. Aux premières maisons de la ville, elles rencontrèrent Lafayette, qui, pressé par Gilbert, arrivait au pas de course, conduisant la garde nationale. « Vive le roi !» crièrent Maillard et les femmes, levant leur décret au-dessus de leur tête. Que parliez-vous donc des dangers que court Sa Majesté ? Dit Lafayette étonné. « Venez, venez, général, s'écria Gilbert, continuant de le presser. Vous en jugerez vous-même. » Et Lafayette se hâte. La garde nationale entre dans Versailles, tambour battant. Au premier battement de tambour qui pénètre dans Versailles, le roi sent qu'on le touche respectueusement au bras. Il se retourne, c'est André. « Ah, c'est vous, madame de Charny, dit-il, que fait la reine ?»« Sire, la reine vous fait supplier de partir, de ne pas attendre les Parisiens. À la tête de vos gardes et des soldats du régiment de Flandre, vous passerez partout. »« Est-ce votre habit, monsieur de Charny ?» demanda le roi. « Oui, sire, si du même coup vous traversez la frontière. Sinon, mieux vous restez ici. » Le roi secoua la tête. Il reste, non point parce qu'il a le courage de rester, mais parce qu'il n'a pas la force de partir. Tout bas, il murmure. « Un roi fugitif, un roi fugitif. » Puis, se retournant vers André, « Allez dire à la reine de partir seule. » André sortit pour s'acquitter de la commission. 5 minutes après, la reine entra et vint se ranger près du roi. « Que venez-vous faire ici, madame ?» demanda Louis XVI. « Mourir avec vous, monsieur, » répondit la reine. « Ah !» murmura Charny. « Voilà où elle est vraiment belle. » La reine tressaillit, elle avait entendu. « Je crois en effet que je ferais mieux de mourir que de vivre, » dit-elle en le regardant. En ce moment, la marche de la garde nationale battait sous les fenêtres mêmes du palais. Gilbert entra vivement. « Sire, dit-il au roi, votre majesté n'a plus rien à craindre. Monsieur de Lafayette est en bas. » Le roi n'aimait pas Monsieur de Lafayette, mais se contentait de ne pas l'aimer. Du côté de la reine, c'était autre chose. Elle le haïssait franchement et ne cachait pas sa haine. Il en résulta qu'à cette nouvelle, qu'il croyait une des plus heureuses qu'il pût annoncer en ce moment, Gilbert ne reçut pas de réponse. Mais Gilbert n'était pas homme à se laisser intimider par le silence royal. « Votre Majesté a entendu, dit-il le roi d'un ton ferme. Monsieur de Lafayette est en bas et se met aux ordres de votre Majesté. » La reine continua de rester muette. Le roi fit un effort sur lui-même. « Qu'on aille lui dire que je le remercie et qu'on l'invite de ma part à monter. » La reine s'inclina et sortit. Mais d'un geste presque impératif, le roi l'arrêta. Les courtisans se formèrent en deux groupes. Charny et Gilbert demeurèrent près du roi. Tous les autres en reculèrent comme la reine et allèrent se ranger derrière elle. On entendit le pas d'un seul homme et M. de Lafayette parut dans l'encadrement de la porte. Au milieu du silence qui se fit à sa vue, une voix appartenant au groupe de la reine prononça ces deux mots « Voilà Cromwell !» Lafayette sourit. Cromwell ne fut pas venu seul chez Charles Ier, dit-il. Louis XVI se retourna vers ses terribles amis qui lui faisaient un ennemi de l'homme qui accourait à son secours. Puis, à M. de Charny, « Comte, dit-il, je reste. Du moment où M. de Lafayette est ici, je n'ai plus rien à craindre. Dites aux troupes de se retirer sur Rambouillet. La garde nationale prendra les postes extérieurs, les gardes du corps, ceux du château. » Puis, se retournant vers Lafayette, « Venez, général, j'ai à causer avec vous. » Et comme Gilbert faisait un pas pour se retirer, « Vous n'êtes pas de trop, docteur, venez. » Et montrant le chemin à Lafayette et à Gilbert, il entra dans un cabinet où tous deux le suivirent. La reine les suivit, et quand la porte fut refermée, « Ah, dit-elle, c'était aujourd'hui qu'il fallait fuir. Aujourd'hui, il était encore temps. Demain, peut-être, sera-t-il trop tard. » Il sortit à son tour pour entrer dans ses appartements. Et cependant, une grande lueur, pareille à celle d'un incendie, frappait les vitres du palais. C'était un immense foyer où l'on faisait rôtir les quartiers du cheval mort.